Je m'excuse pour le retard. D'habitude, je suis là d'avance, mais un matin, Dieu n'a pas permis. C'est lui qui me donnait les choses à dire, puis c'est venu trop tard. Ou j'ai pas compris avant. Je me suis entêté. Des fois, on est tête de pioche. Hein? Ça vous arrive pas, ça? Bon, là, je vous vois. Il fait soleil aujourd'hui. Oups! Je vais aller chercher quelque chose. Que dimanche passé, on a vu qu'il y avait justification. Ah, Diane était réveillée. Elle. Ceux qui n'étaient pas là, je ne peux pas vous accuser. Vous auriez dû être là. On a vu deux justifications, mais il y en a une seule qui est agréée par Dieu, hein, c'est ça? La justification par les œuvres, évidemment, qui mène au jugement et à la perdition éternelle, et la justification par la foi en Jésus-Christ, qui est agréée par Dieu. Je les laisse placer l'acétate. Cette fois-ci, j'ai mis mes acétates, mes numérotés dans mon texte, je devrais pouvoir y référer si ça apparaît là. Aujourd'hui, on va voir que la justification par la foi en Jésus-Christ manifeste la justice de Dieu envers l'homme. Ah, bon, tant pis, on va s'en passer. Je vais vous dire diapositive 1, puis ça va marcher pareil. C'est beau la technologie, mais il faut avoir le temps de la tester avant. Donc, on va voir aujourd'hui que la justification par la foi en Jésus-Christ, c'est une suite un peu du message de la semaine passée. Ça manifeste la justice de Dieu envers l'homme, mais ça manifeste aussi la justice de Dieu comme caractéristique intrinsèque de Dieu. Et ça va être la suite du texte, mais avant d'y arriver, on va regarder Romains 3:5. Des questions qui tracassent l'homme. Là, je vais être obligé de chercher mes textes, évidemment. Vous les auriez eu affichés, là, mais vous ne les aurez pas affichés. On va regarder une couple de textes dans l'Épître aux Romains que l'homme souvent, se pose comme jugement sur Dieu. Romains 3:5, « Mais si notre injustice, en parlant des hommes, établit la justice de Dieu, que dirons-nous donc? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? » Évidemment, il y a une parenthèse dans le texte, « Je parle à la manière des hommes. » L'apôtre Paul, quand Dieu lui donne d'écrire ce texte-là, l'Épître aux Romains s'est rempli de questions-réponses et il pose la question, est-ce que Dieu est injuste? Et ça vaut la peine de se poser cette question-là. Évidemment, les croyants nous répondent non, bien sûr, bien entendu. Mais quand j'étais un croyant, pas sûr, j'aurais répondu bien sûr que Dieu n'est pas injuste. L'autre passage est toujours dans Romains 9,14, qui va dans le même sens, juste pour vous convaincre que c'était des questions qui existaient à l'époque de Jésus. Romains 9,14, qui est quelque part dans l'Épître aux Romains, si je ne m'en mêle pas. « Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Et l'apôtre ici donne une réponse, loin de là. Bien sûr que non. Et il va l'expliquer dans les textes, dans les versets qui viennent après, le point. Mais la question ici, c'est Dieu injuste versus la justice de Dieu, qu'on va traiter ce matin. Vous avez tout entendu, ou vous vous posez même la question si vous n'êtes pas croyant. Il y a des gens qui disent, bien, si Dieu existe, hein, pourquoi la guerre? On va dire, si Dieu était juste, pourquoi qu'il y a la guerre? C'est une autre manière de le dire. Pourquoi la Shoah? Vous savez, c'est quoi la Shoah? Le massacre des Juifs pendant la guerre de 39-45. Hein? La Shoah. Ou le massacre des Juifs, les 6 millions de Juifs, là. Pourquoi ça, si Dieu existe? Ou si Dieu était juste? Pourquoi qu'il y a des riches? Pourquoi qu'il y a des pauvres? Pourquoi on n'est pas tous riches? Ah! Si on était tous riches, Jean-Claude dit, il n'y aurait pas de riches. Ça pourrait être l'inverse, si on était tous pauvres, hein? Il n'y aurait pas de riches, il n'y aurait pas de pauvres. Et la question que peut-être vous vous posez, vous êtes déjà posée, si Dieu me sauve par la foi en Jésus-Christ, qu'en est-il de celui qui n'a jamais entendu parler de la foi en Jésus-Christ? Ça vous a jamais traversé? Des gens vous ont jamais posé cette question-là? Vous êtes-vous arrêté à cette question-là? En Côte d'Ivoire, vous ne faites pas ça, hein? Je le sais. Alors, c'est toutes des questions. Il y en a d'autres. Peut-être que vous en avez d'autres là, que moi, je n'ai pas ici. J'ai noté ça sous le pouce ce matin. Là. Des choses qui traitent de la justice de Dieu ou son caractère. Ce qui est intéressant, c'est que l'Évangile, l'Évangile est intrinsèquement relié à la justice de Dieu. Romains 1, chapitre 1, ça commence de même, déjà déclaré dans le premier chapitre. Un verset que vous connaissez tous par cœur, ou presque. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une... » Pour de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Le deuxième verset, on le cite moins souvent, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. L'Évangile révèle la justice de Dieu. Ça nous parle de Dieu. Par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. On ne fait pas attention à ce mot-là, justice de Dieu, mais l'Évangile révèle la justice de Dieu. Ce n'est pas seulement tourné vers l'homme, c'est aussi ça, je ne sais plus quel numéro que c'est. Numéro 1. OK, on est rendu au numéro numéro 3, numéro 1, 2, 2. Numéro 2. Parce qu'en lui, l'Évangile est révélé la justice de Dieu. Donc, quand on regarde à la révélation de l'Évangile, que l'Évangile fait, que Dieu fait à travers l'Évangile aux hommes, il est en train de nous parler de lui aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie, ou qu'on ne pense pas, ou qu'on ne réfléchit pas, parce que le salut est tellement grand pour celui qui l'accepte, il perd un petit peu de vue que Dieu est en train de dire aux hommes, « Regardez là, ça fait partie de moi, je suis juste. » Indépendamment des ragots qu'on raconte sur moi ou des mensonges qu'on dit sur moi, je suis juste. Un chant qu'on chante assez souvent. Cherchez premièrement, Matthieu 6, 33, hein? Le royaume, non, et la justice de Dieu. Ce n'est pas la justice du royaume, c'est la justice de Dieu. Je n'avais pas remarqué ça, que c'était la justice de Dieu. J'ai souvent chanté moi-même en disant sa justice. En tout cas, c'est écrit de même dans ma version seconde, qui est la meilleure de toutes, vous le savez. Donc, mettez corrigé à la main dans vos bibles. Je n'ai pas eu le temps de vérifier le grec, mais je pense que c'est la justice de Dieu. Donc, vous ne savez pas de quoi on va parler ce matin? Hein, dans le texte qu'on va lire ce matin, qui est la suite du passage de la semaine passée, nous verrons sept caractéristiques de la justice de Dieu. Nous verrons sept caractéristiques de la justice de Dieu qui incitent l'homme à chercher la justification par la foi. On va voir sept caractéristiques de la justice de Dieu qui incitent tout homme à chercher la justification par la foi en Jésus-Christ. Tu peux passer à l'autre, mais juste au premier point. On va commencer par lire... Ah, il faut que je lise, c'est vrai. Avant, c'est la 7-4. Excusez-moi, je l'avais. Tournez dans Romains 3, 19 à 24. C'est la suite de la semaine passée. C'est-à-dire, ça l'inclut le texte la semaine passée, mais ça va dépasser un peu. Tu peux mettre l'autre. Je pense que ma référence n'était pas bonne, mais c'est pas... Ah! On va commencer au verset 21. Ma référence n'était pas bonne ici sur ma feuille. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, une grande phrase, hein, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Compliqué, hein, cette phrase-là, mais on va prendre le temps de la regarder tout à l'heure. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Mais le texte qu'on va regarder s'arrête au verset 27. Là-dedans, on a sept caractéristiques de la justice de Dieu qui vaut la peine de méditer dessus. La première, elle est au verset 22. Là, vous allez m'aider parce que, comme je n'ai pas eu le temps de me préparer beaucoup, j'ai besoin de vous autres pour me rappeler ce que j'ai écrit. Au verset 22, qu'est-ce que vous voyez de la justice de Dieu? Quelles caractéristiques que vous voyez? Verset 22, j'aime ça que tu me répondes avec les mots du verset. C'est exactement ça, Roger, mais... Donc, elle est-tu? Il y a un terme pour ça. La justice de Dieu est universelle, elle peut s'appliquer à tout le monde. On l'avait vu la semaine passée, hein? Mais ce n'est pas la justice qui était notre thème la semaine passée, c'était la justification par la foi. Ici, on s'attache plus à comprendre qui est Dieu. Donc, Dieu est le Dieu, pas seulement des Juifs, on l'a vu tout à l'heure dans un verset, mais il est le Dieu de tous les hommes. Quand vous rencontrez des versets comme dans Timothée, où Dieu dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, sa justice s'applique à tous les hommes. Ça va? Première caractéristique qu'on voit dans notre passage de la justice de Dieu. Le deuxième point est au verset 23. Si ça s'applique à tous les hommes, que nous dit le verset 23 de tous les hommes? Pécheurs, hein? Donc, tous les hommes, parce que c'est tous qui est utilisé, hein, sont pécheurs. Vas-y, Angela. Oui. Exactement. Ça, c'est la conséquence. Mais la justice de Dieu s'applique à des gens qui méritent sa justice. Hein? Les hommes font tellement des bonnes choses que Dieu n'a pas le choix de leur faire justice. C'est ça? Non. Elle s'applique à des hommes pécheurs, donc des gens, par définition, qui sont des ennemis de Dieu, qui ont désobéi, qui souhaitent totalement de lui obéir. Donc, sa justice s'adresse à des pécheurs. Troisième caractéristique, vous l'avez au verset 24. Vous avez le droit de répondre à ma place, j'attends votre réponse. Oui. Ah, ça. Vous les voyez toutes, là, mais c'est pas grave. Juste cliquer, ça ne marche pas avec ton... J'ai hâte qu'on ait un ordinateur à jour. Verset 24, vous avez vu la réponse? Elle est quoi, la justice de Dieu? Il faut payer pour l'avoir. Elle est gratuite. Ça nous parle de Dieu, tout ça, là. Hein? Il est le boss de l'univers. Il aurait pu dire, regarde, les hommes, vous avez péché, là, vous allez payer. Non. Évidemment, ça nous parle de la bonté de Dieu envers l'homme. Ça nous parle de qui il est par rapport à nous. Ça nous parle de sa grandeur à lui. On oublie toujours la grandeur de Dieu. Pas toujours, mais on l'oublie très souvent, la grandeur de Dieu dans le salut. Parce qu'on est concentré sur les conséquences du salut dans nos vies, c'est bien. Mais il faut penser que derrière le salut, il y a quelqu'un qui y a pensé. Puis il y a quelqu'un qui l'est par lui-même, juste. Quatrième caractéristique, on le voit au verset 25. Celle-là n'est pas évidente, mais... La justice de Dieu rend l'homme propice à lui-même. Propitiatoire, là, c'est compliqué comme mot, hein? On n'utilise à peu près jamais ça en français. Le propitiatoire dans l'Ancien Testament, c'était quoi? Le couvert de l'arche. Puis qu'est-ce qu'on faisait sous ce couvert-là une fois par année? On remettait du sang. Pourquoi? Parce qu'il y a deux anges qui regardaient le couvert. C'était les seules statues que les Juifs avaient le droit de se faire. C'était deux anges, je pense que c'était des statues des chérubins. qui avait la face tournée vers le propitiatoire, puis une fois par année, le grand prêtre arrivait avec du sang d'animaux, il aspergeait le couvert, après ça, il sortait du lieu très saint. Aujourd'hui, le propitiatoire, c'est Jésus, et on peut entrer en tout temps dans sa présence sans avoir d'autre sang que celui de Jésus. C'est ça que ça veut dire ici. Ouais. Oh ouais. C'est une caractéristique aussi. Donc, Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, donc la justification par la foi. Derrière ça, il y a la justice de Dieu. Qu'est-ce que fait la justice de Dieu? Elle rend l'homme propice à lui-même, ce qu'il n'est pas avant. Elle est longue. La phrase est longue. On va y arriver. Je pourrais passer du temps avec toi après, OK? Pour ça. C'est la ponctuation. Donc, la quatrième caractéristique, c'est la justice de Dieu rend l'homme propice à Dieu. Le verset 25 nous dit quelque chose d'autre. Dans la fin de du verset. Oui, mais ça dit aussi que Dieu a puni à travers Jésus-Christ les péchés commis auparavant. La justice de Dieu n'a pas commencé, la justification par la foi ne commence pas avec Jésus. Il y a du monde qui a existé avant ça, là. Et Jésus prenant la place de l'homme, c'est ce que je comprends du passage, ça l'a réglé le problème du péché avant lui. Et ça règle le problème du péché après lui, en même temps que lui et après. Donc, c'est du début à la fin de l'humanité. Donc, la justice de Dieu s'étend du début jusqu'à la fin. Mais c'est manifesté dans un moment précis. Dieu l'a annoncé d'avance par les prophètes. On l'a vu la semaine passée que c'était annoncé d'avance. Elle s'est manifestée quand Jésus est venu, quand Jésus est mort sur la croix, quand Jésus est ressuscité. Mais elle couvre tous les temps. Donc, elle est plus qu'universelle, comment on pourrait dire, elle est éternelle, d'une certaine manière, bien que l'homme n'est pas éternel. Là. Je parle dans le passé. Hein? La justice de Dieu, elle, est éternelle, parce que Dieu était juste avant même que l'homme existe. On est d'accord? OK. Donc, on peut dire que la justice de Dieu, le point qui est sous-entendu aussi avec Dieu qui punit les péchés, c'est que ça nous parle de quelque chose sur la justice de Dieu. Dieu, dans ses justes, il a créé le mot justice. Oui. Ça nous parle de quelque chose. C'est que la justice de Dieu punit la désobéissance. Les pères que nous sommes sur la terre, hein, Philippe, ont beaucoup de difficultés à rester constants dans la punition avec leurs enfants. Quand un enfant vient torturer son père pour... Hein, ouais, les enfants. Édouard. Ils ont tous quelque chose à faire, là. Hein? Et les hommes ont de la misère à être constants dans la justice. Ils sont à peu près jamais. Et pour l'avoir essayé, là, certains parents, à un moment donné, baissent les bras. Vous dites, moi, j'en peux plus, là. Qu'ils s'arrangent. J'exagère un peu, mais c'est facile de se laisser avoir. Dans le cas de Dieu, quand Dieu a déclaré quelque chose, ça va s'accomplir. On a la preuve avec Adam. Tu manges cet arbre-là, du fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal? Certainement, tu mourras. Vous vous rappelez la ruse que le diable a utilisée avec elle? Dieu a-t-il vraiment dit? Non, ben. Puis Ève, elle répond tout croche, elle répond pas selon la parole de Dieu, elle se fait avoir. Dieu, quand il dit quelque chose, quand il dit que l'homme est pécheur, quand il donne la loi, c'est pour que l'homme voit son péché et que l'homme voit qu'il est coupable devant Dieu. Et donc, la justice de Dieu punit le pécheur. Donc, elle punit les péchés commis auparavant, mais elle punit aussi 2:3-6, là, vous allez voir, 3:26, afin de montrer sa justice dans le temps présent. Est-ce qu'on fait partie du temps présent? Il y a eu du monde qui a vécu comme nous autres, même depuis la croix jusqu'à aujourd'hui, oui. Mais c'était le temps présent au moment de l'écriture de l'Épître. Afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. On revient toujours à la justification par la foi, qui est la manifestation de la caractéristique de Dieu. Dieu est juste en faisant ça. Dernière caractéristique qui découle de l'ensemble, c'est qu'il n'y a pas de justice plus juste que celle de Dieu. Pourtant, les hommes ne voient pas ça comme ça. Et dans un certain sens, avant que je sois sauvé, je ne voyais pas nécessairement la justice de Dieu comme ça. Vous avez entendu, Dieu est bien trop juste pour envoyer des gens en enfer. Hein? En fait, l'enfer vient après le jugement. Pas que Dieu envoie des hommes en enfer, c'est que les hommes vont être jugés sur leurs œuvres et ils vont être trouvés coupables. Et ils ne pourront pas échapper au jugement. Ça fait partie de la justice de Dieu. Mais le salut par la foi en Jésus-Christ est la solution de Dieu, la plus juste que Dieu pouvait lui-même créer pour sauver des pécheurs coupables. C'est la solution la plus juste que Dieu pouvait inventer. Et on sait qu'il y a un pouvoir d'invention pas mal plus fort que les hommes, un pouvoir de création bien plus grand que les hommes. Il n'y a pas de justice plus grande que celle-là. Donc, c'est une, comme elle vient de Dieu, c'est une solution parfaite pour justifier des coupables. On va lire 2 Corinthiens 5, 21. Je ne sais pas s'il est sur l'acétate, je pense que oui. Ouais. C'est un peu mieux synchronisé hein, cette semaine. La semaine passée, je ne sais pas synchronisé. Celui qui n'a point connu le péché, évidemment, c'est Jésus. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, Jésus, évidemment, la base de la justice de Dieu pour justifier l'homme, c'est le sacrifice d'un être innocent, pur, sans tache, sans faute, qui n'a jamais commis le péché, qui paye à la place de l'homme la rédemption, il rachète l'homme du pouvoir de Satan. Cet homme-là, pur, sans tâche, qui a vraiment connu, Dieu le traite comme s'il était un péché. Parce que sa colère s'exerce contre Jésus, c'est-à-dire contre le péché, mais c'est Jésus qui le porte, à la place de l'homme. Et pour Dieu, il n'y avait pas de solution plus juste. Ça manifeste sa justice. Il fallait que sa parole puisse s'accomplir, c'est-à-dire la parole du jugement puisse s'accomplir sur quelqu'un, afin que l'homme puisse être justifié par la foi en Jésus-Christ. C'est grandiose le salut, hein? Salut par la foi, là, c'est grandiose. Aujourd'hui, ce serait facile d'inventer, parce qu'on a le texte des Écritures qui nous dit comment faire. Mais avant que ça existe, on n'aurait pas pu inventer ça. Dieu l'a fait, lui. Et donc, il a pris sur lui-même, à l'intérieur de Dieu, Jésus-Christ, fait, il est Dieu, de recevoir la punition que méritait l'homme. Parce que c'est impossible, parce que quand Dieu déclare quelque chose à propos du pécheur, il faut que ça ait lieu. Et le pécheur était chassé éternellement de sa présence. Et comme on a tous péché, on était tous chassés de sa présence. Et en punissant le péché sur le dos de Christ, Dieu manifeste. De telle sorte qu'aujourd'hui, là, même le pire des criminels, on l'a parlé la semaine passée, là, en supposant que des gens comme Hitler, Mussolini, les grands dictateurs de ce siècle qui ont fait des ravages, se seraient convertis à Jésus-Christ avant de mourir, j'en doute, mais c'est possible, bien, ils vont partager l'éternité avec nous. À l'inverse, celui qui a mené une vie de misère, qui en a arraché toute sa vie, puis qui dit à Dieu, « Ah, j'ai tellement bûché dans ma vie, il ne peut pas me refuser son ciel, il va passer l'éternité loin de Dieu. » Parce que la base de la justice de Dieu, c'est ce que lui a fait pour l'homme. De Pierre 1:1, je ne sais pas si je l'ai mis là, parle aussi de la justice de Dieu, j'achève. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, la justice de notre Dieu qui a donné une foi à ceux qui reçoivent l'épître de Pierre, le deuxième épître, identique à celle qu'ils ont reçue. Voyez-vous, on est dans un temps difficile aujourd'hui. Tout le monde dit n'importe quoi au sujet de Dieu et particulièrement s'attaque à qui il est. Et Dieu tolère cette chose-là jusqu'à ce temps qu'il ferme la porte de l'arche. Hein? Jean-Claude en a parlé. Ça s'en vient ce temps-là. Et le monde est de plus en plus arrogant envers Dieu. Arrogant dans le sens qu'il se fout totalement de ce qu'il dit, il se fout totalement de qui il est, il se fout totalement de sa justice. Ils veulent établir leur propre justice à la place et ils vont... Ce faisant, ils font juste s'accumuler des charbons ardents sur leur tête. Hein? La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée 4, 3, là, puis on est dans ce temps-là, encore plus que jamais, ça l'était à l'époque de Paul, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Car il viendra un temps, c'est, juste avant, il avait dit « prêche la parole, insiste en tout temps, favorable ou non, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. » Si vous me dites, moi, qu'on n'est pas en train de vivre ça, là. Encore plus que les... Et si les gens avaient conscience de la justice de Dieu, comme je viens de vous en parler ce matin, ou selon les Écritures, plutôt, ça fait trembler. Pas les trembler du lac Saint-Jean, là, mais ça fait trembler. Hein? Mais les hommes n'en ont pas conscience, malheureusement. En refusant de croire Dieu sur sa justice, surtout en Jésus-Christ, qu'il leur est accessible comme tout homme. Fait que bénissons Dieu, ceux qui ont déjà sont déjà justifiés par la foi en Jésus-Christ. Et pour les autres, ben, il est toujours temps, la porte n'est pas fermée encore, la porte de l'arche est ouverte. Donc, on a vu 7 caractéristiques de la justice de Dieu, et je n'ai pas l'impression d'avoir fait le tour. C'est à travers le passage dans Romains. Romains est un livre de doctrine, pas seulement, mais de doctrine qui parle de l'Évangile, qui parle des doctrines attachées à l'Évangile. Et une de ces doctrines-là, c'est que ça nous révèle une caractéristique profonde de qui est Dieu. Ce n'est pas la seule en passant. Dieu est aussi amour, Dieu est aussi vérité, etc. Il y a plein de caractéristiques sur Dieu. Mais celle de la justice, c'est relié intrinsèquement à ce qu'il a déclaré. Et ne négligez pas cette chose. Quand vous parlez à quelqu'un et vous voyez que la personne se moque de la justice de Dieu, bien, ramenez-le en disant, garde. Tu peux bien dire ça, mais la parole de Dieu dit ça. Donc, n'ayons pas peur, ou n'ayez pas peur, ceux qui ne l'ont pas fait encore, de vous tourner vers la justification par la foi en Jésus-Christ. On en a parlé la semaine passée, en plus en détail. La justification par la foi en Jésus-Christ, c'est facile. Seigneur, je suis pécheur, sauve-moi. Je comprendrai le reste plus tard, c'est pas grave. Mais si tu fais ça, le prêt payé, c'est que tu vas t'associer à Jésus-Christ pour le restant de tes jours. Avec ceux qui l'adorent dans l'Église ici ou ailleurs. Et tu vas t'associer à lui par le baptême dès ta conversion. Mais c'est une conversion. Ça va? Mais j'ai terminé. Je peux être jugé par mes frères. Merci de votre patience. Ah, il y avait de l'eau pour moi. C'est super. Merci Christian. J'inviterai l'équipe de louanges de s'installer en arrière.